Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, vieillesse et dépendance, la vie sous contrainte. Une série de Jérôme Sandlars réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a le confinement et le Covid qui ont obligé les regards à se tourner vers les EHPAD. Ceux qui y travaillent, mais aussi et surtout ceux qui y résident et qui, comme tout le monde, songent à l'amour. Alors pour commencer, les personnages. Une directrice logique, Monsieur Jérôme et son micro, un infirmier ému, une femme qui veut plaire, un couple d'amoureux, un directeur lucide et des aides-soignantes gênées. Ensuite, le décor, des photos, la sensualité, des rendez-vous, la honte, la solitude, la tendresse, des lits à une place et l'intimité. Aujourd'hui, 3e épisode, c'est l'amour toujours. C'était il y a 3 ans de ça, je crois. J'ai eu un couple qui s'est formé à l'EHPAD. Le monsieur était célibataire. La dame était mariée, avait eu 2 enfants et son mari l'avait laissé tomber. Et ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Et c'était des regards, c'était des promenades main dans la main, c'était des bisous volés, parce qu'ils se cachaient quand même. Et c'était pas platonique, hein. C'était un véritable amour. Et un jour, j'étais dans la chambre de la dame, le monsieur est arrivé, s'est mis à genoux et lui a demandé sa main. La dame a pleuré et lui a dit oui. Après, il a fallu expliquer ça aux enfants de la dame. Du coup, j'ai reçu la famille, je leur ai expliqué, ils n'ont pas compris. Ils sont allés voir leur mère en lui disant qu'elle était beaucoup trop vieille et que je crois que les mots qu'ils ont employés, c'est dégueulasse. Ils ont évidemment refusé le mariage et ils ont changé leur mère d'établissement. Ça a été ultra violent. Alors, la maman, je ne l'ai pas revue. Pour le monsieur, ça a été une tragédie. C'était la première fois, c'est ce qu'il disait, hein, c'était la première fois à 80 ans qu'il tombait réellement amoureux de quelqu'un. Et ce monsieur s'est laissé totalement dépérir. Totalement dépérir. L'amour à l'EHPAD. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? J'explore. Je prends tes plis, tes rides, et je les caresse. Avec mes mains pleines de taches de vieillesse. Fabienne Combeléran, alors vous êtes infirmière de formation et cadre de santé ici à la Seigneurie, donc qui est cette EHPAD qui est située à Pantin, en banlieue parisienne. Oui. Comment vous appréhendez ici la question affective, la question de la vie privée, de la sexualité, du désir dans votre EHPAD? Alors, il y a différents volets dans ce que vous évoquez. Ce qui nous paraît important, c'est d'aller au rythme des résidents, au rythme de leurs désirs, au rythme de leurs envies, et aussi au rythme de nos équipes. Parce que si nos équipes sont sensibilisées, formées à cette approche qui peut être considérée comme déviante, hein, par certains d'entre nous, parce qu'imaginez que nos parents ou nos grands-parents ont encore des envies de chair, voire une sexualité active, c'est quelque chose qui est assez peu usuel. Pour autant, nos aînés, ils ont encore des désirs des fois simples, juste de compagnonnage, de rencontrer l'autre, de pouvoir avoir un bon ami ou une bonne amie, avec lesquels il va pas se passer grand-chose physiquement, ou ça peut juste être d'être toujours ensemble, de partager les petites peines, les petites joies, de se toucher la main, de se toucher le bras. de se promener main dans la main à certains moments. Et là, c'est effectivement le choix de leur partenaire. Et tout comme ça peut être des envies qui sont un peu plus sexuées. Et il faut qu'on puisse en accompagner l'expression. Et ça, c'est assez compliqué. Ça en passe incontournablement par une formation et par une parole ouverte. Je sais qu'au sein de notre institution, avec mes collègues cadres, on a toujours fonctionné comme ça. Moi, l'idée, c'est vraiment que la parole tourne autour de toutes les questions qui peuvent se poser, toutes les interrogations que peuvent avoir les soignants pour qu'un chat soit appelé un chat et qu'on ne soit pas en train de rougir comme des rosières dès qu'on peut s'interroger sur, effectivement, le rapprochement entre deux personnes, quel que soit leur sexe. Et ce qui prévaut par-devers tout, c'est s'assurer du consentement des deux parties, on va dire. Est-ce que la femme ou l'homme, parce qu'il y a aussi des hommes qui peuvent être assaillis par certaines femmes, a envie de cette relation-là ? Quel que soit le degré d'autonomie de la personne, parce que c'est pas parce qu'on est dans un lit, voire dans un fauteuil roulant, qu'on est déplaisant pour l'autre et qu'on n'est plus désirable, quoi. Donc, ce cas de figure-là se trouve, les soignants ont pris effectivement l'habitude, on en parle, et le pli, c'est de voir pendant les soins, de dire, ben, j'ai remarqué que monsieur machin ou madame bidule s'est rapproché de vous, c'est votre bonne amie, quand on voit que la personne est prête à en parler, est-ce que vous avez envie que cette personne vous rende visite? On pose la question. Je me rappelle d'avoir eu un échange avec une dame qui avait à l'époque, quel âge elle avait? 85 ans. Et il y avait un monsieur qui venait la voir régulièrement, alors qu'il lui piquait ses friandises, mais aussi qui venait lui faire des bisous. Et elle me dit, puis il m'embête, moi je voudrais qu'on me ferme la porte de ma chambre, il m'embête parce que... elle me dit, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis, mais parce que quoi? Elle me dit, bah, parce qu'il me... Oh, des fois, il me touche la poitrine. Elle me dit, vous vous rendez compte à mon âge? Alors je lui dis, bah... Je lui dis, je me rends compte de quoi? Je lui dis, entre nous. Je lui dis, est-ce qu'il y a un âge pour avoir du désir et du plaisir? Elle m'a regardé, elle a rigolé, elle m'a dit, ben non. Je lui dis, bon, ben maintenant la question, c'est est-ce que vous avez envie qu'il vous fasse des bisous et qu'il vous touche la poitrine? Elle m'a dit, ben non. Je lui dis, ok, eh ben on va prendre les choses en main et on va aller voir ce monsieur pour lui expliquer les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que les personnes âgées, des fois, elles ont tendance à, ben, comme là, cette dame, c'est pas grave. Enfin voilà, j'ai 85 ans, je suis en fauteuil roulant. Je suis une quantité négligeable. Enfin, est-ce que c'est important finalement ça? Ben oui, c'est important. Et quand ils en prennent conscience, eh ben ils sont tout à fait capables d'exprimer ce qu'ils veulent. Et c'est aussi, c'est pas parce qu'on est dément qu'on n'a plus le droit d'avoir une relation sexuelle aussi. Après, le consentement de la famille, c'est encore autre chose. On n'a pas à le recueillir. C'est vraiment le consentement des deux personnes. Très souvent, les familles ne comprennent pas. Enfin, pour eux, à partir du moment où vous avez éventuellement une démence Alzheimer, ou que vous êtes considéré comme n'ayant plus toutes vos capacités cognitives, vous, ou sous tutelle, sous curatelle, vous êtes plus doué de raison. Donc vos choix, vos désirs, vos plaisirs, ils vous appartiennent plus. Ils passent par vos tuteurs ou vos enfants. Ce qui est une funeste bêtise, et ce qui est vachement castrateur pour les résidents. Enfin, sinon, se tirer une balle, arriver à la retraite ou en EHPAD, et puis voilà, on passe à autre chose. Enfin, les plaisirs de la vie, c'est pas que manger, regarder la télé, hein. C'est vraiment, pour moi, très très important de remettre toujours les soignants en vigilance dans cette approche-là. Alors là, on est dans la Villette et dans la chambre 231, la chambre de Madame Laubier. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bon, ça y est, vos cheveux ils sont bien peignés là. Je vous fais une petite tresse, d'accord? Vous êtes bien belle comme ça. Vous voulez l'élastique au bout de la tresse? Vous voulez une autre pince dans les cheveux? Non. C'est important de plaire? Ben, je pense que oui, quand même, hein. Oui, une personne elle aime bien être propre, être bien soi-même. Même plaire à moi en premier. Oui. C'est quoi votre prénom? Geneviève. C'était l'ancienne patronne de Paris, Geneviève de Brabant. Elle était noble. On fait quoi? On sort de la salle de bain ou on fait tout l'entretien dans la salle de bain? Ah non, on va sortir de là. Ok. On sort de là. parce qu'on apprend tout. On crève déjà de chaleur, alors si on reste là. Ah, il y a plein de photos de vous sur le mur. Hein? Stop! Il y en a des photos, oui. Et puis là, on vous voit en photo avec un monsieur. Ah, ça c'est Michel. C'est un compagnon. D'ici. Vous l'avez rencontré ici? Oui. Oui, oui. C'est vrai. C'est un ami ou c'est un chéri? Oh, c'est difficile à dire. Ouais. Michel, ouais. Réponds à la question. Ouais. Mimi, réponds à la question, Michel. Ouais, c'est mon ami. C'est votre ami. C'est mon ami. Voilà. Et si je ne peux pas me marier. De ne pas me marier, c'est trop dur pour moi. Je me marie avec ma copine, comme ça on est tranquille. Hein, chérie? Moi, je dis rien. C'est toi qui as choisi. Là, je peux rien dire. Est-ce qu'il y a de la tendresse entre vous? Oh. Moi, oui, j'en ai toujours. Oui, j'ai toujours de la tendresse. Oui. Mais Michel, je sais pas. Je peux pas dire. Mais il est gentil. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme, vous? D'avoir des câlins. Des câlins de temps en temps, quand même. Oui. Mais il y en a des hommes, hein? Il y en a des hommes? Oui, il y en a des hommes qui ne demandent pas mieux. Il faut le rendre un peu jaloux. Hein. C'est ça qu'il faudrait. Hein? Mais je ne le ferai pas. Geneviève, vous avez quel âge? Et quel âge vous me donnez? Soyez gentils. 82 ans. Un peu plus. 90? Avec un de plus. 91 ans? Oui. Super. Mais ici, à la seigneurie, ils vont me demander si je me suis pas trompée. Oui, je leur ai dit, je sais très bien la date que je suis née, le 15 février 1929. Mais ils ne le croyaient pas. Merci à vous. C'est gentil. Au revoir. Au revoir et merci. Laurent Garcia, vous êtes cadre de santé dans un établissement qui s'appelle les Quatre Saisons à Bagnolet, donc un EHPAD. Comment vous appréhendez la question de la vie privée, de la vie affective, de la vie sexuelle ici dans votre établissement? Parler de la sexualité aussi bien avec les résidents qu'avec les soignantes, c'est beaucoup de gêne, voire du déni. Même un jour, je discutais avec un gériatre et je lui parlais d'une résidente avec une sexualité assez débridée. Et qui m'a répondu « Non, mais à cet âge-là, il n'y a plus de sexualité, on compense par des activités. » Il me dit « Moi, je suis là pour soigner le cholestérol et les problèmes cardiaques, la psyché ne connaît pas. » C'était les mots d'un gériatre qui travaille en EHPAD quand même. Donc oui, il y a quelque chose qui fait qu'on n'ose pas en parler. Et pour pouvoir en parler, il faut forcer les choses, il faut les brusquer un peu. Je parle des soignants, parce que ben là, on a un résident qui est rentré il y a quelques temps et qui est très porté sur la chose. Il se branle, les soignants sont obligés de faire sa toilette et il essaie par tous les moyens de les attraper, de les toucher. Et il le dit, hein. C'est un réel besoin. Même si c'est un résident qui a des troubles, le besoin, il est là, le besoin, il existe. Et on a tendance à mettre un voile là-dessus et passer outre en disant « Ben ouais, il a des troubles cognitifs, il n'y a plus de barrières et on en reste là. » Du coup, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, Gaëlle. Toutes les trois, vous êtes aides-soignantes, c'est ça? Oui. Auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie. Oui. On finit toujours par en rire, sans régler quoi que ce soit. Ouais, effectivement. Quand vous dites on finit toujours par en rire, sans régler, parce que en amont, la sexualité, on se dit chez la personne âgée, on ne prend pas ça réellement au sérieux. Pourquoi? Parce qu'on se dit à cet âge, bon, qu'est-ce qu'il va vraiment ressentir ou qu'est-ce que ça peut bien lui procurer, des trucs comme ça. Mais quelque part, c'est vrai que c'est un besoin. C'est un besoin pour tout un chacun. Hein. Écoutez, même si peu importe l'âge. Il aime voir les soignantes comment encore là, Jenny? Sarah? Oui, c'est un monsieur. Bon, moi, personnellement, j'ai du mal à parler de sexe, surtout tout ça qui est sexe, tout ça. On m'a même envoyé faire une journée de formation pour ça. Parce qu'il y a une personne âgée qui m'a parlé de sexe, donc ça m'a vraiment... Je ne savais pas quoi dire, quoi reprendre, parce qu'elle m'envoyait faire une formation. Donc, ces résidents se trouvent à mon étage. Pour m'occuper de lui, je suis obligée de rester derrière. J'ai du mal à me mettre en face de lui, parce qu'une fois qu'on se met en face, c'est plus la toilette, quoi, c'est autre chose. Il essaie de nous toucher, donc moi, ça me met mal à l'aise. Non, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre des limites. Je ne suis pas là pour ça. Donc arrêtez, c'est tout ce que je dis tout le temps. Mais n'aime pas ces mots-là. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais réglé en EHPAD. Alors on a beau faire toutes les formations possibles et imaginables. Et voilà, ce qu'ils vous dites, c'est qu'il faut mettre des limites. Bien évidemment, il faut mettre des limites. Mais ils ne vous ont donné aucune solution pour ce monsieur, en fait. Ils vous ont donné des solutions pour vous et pour vous protéger de ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'on fait pour assouvir les besoins du monsieur? Est-ce qu'ils vous ont donné des... Non, par contre, ça, non. On est vachement en retard en France et on en a parlé déjà ensemble. En Belgique, dans les EHPAD, il y a des auxiliaires du sexe. Il y a des assistants sexuels. Des assistants sexuels, exactement. Ici, à l'heure actuelle, on n'a pas de solution. Et il faudrait que peut-être à un moment, notre gouvernement pense à légaliser ce genre de choses. Mais moi, franchement, moi, perso... Si je rentre chez un résident où il est en train de se masturber, ou moi je le laisse faire. Hein. D'ailleurs, on a eu un cas, une dame, qui le faisait tous les matins. D'ailleurs, on l'entendait gémir. Oui, et puis voilà. C'est vrai, certes, il n'y a pas de solution, mais pourquoi pas. Après, il y a des gadgets, hein. On peut utiliser des gadgets pour assouvir ses besoins. Pourquoi pas. Écoutez, si ça peut les aider. Mais j'en ai souvent parlé, d'acheter une mallette avec des sextoys, mais ça vous choque. C'est pas que ça me choque, mais je vous ai demandé parce que la personne est incapable d'utiliser tout ça. Je vous ai posé la question, ouais. C'est qui va l'aider à l'utiliser? En tout cas, ce ne sera pas moi, je vous avais dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, j'ai dit oui, ne comptez pas sur moi pour l'aider. Moi. Moi, je pense qu'au début, il faut leur montrer, évidemment. Est-ce que c'est okay. Votre boulot ou pas là, la question reste posée. Non, je ne suis pas formée pour ça. mais en attendant, vous avez une relation hyper intime avec les résidents. Parce que quand même, vous faites leur toilette intime. Et pourquoi pas imaginer dans les écoles d'aides-soignantes une formation pour que vous puissiez apprendre à un résident à utiliser un sextoy. Ça ne me paraît pas complètement fou, en fait. Après, il y a intimité et intimité, quoi. Ouais, ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est, voilà, c'est notre boulot, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on aime aussi. Enfin, voilà. Ça, c'est une autre, c'est une intimité, mais... Mais que vous le vouliez ou non, vous êtes la personne, peut-être la seule personne qui, à l'heure actuelle, les touche. Vous vous rendez compte que le toucher induit plein de choses. On est là pour le bien-être de la personne. Oui, le bien-être. Mais le bien-être, c'est quoi? L'hygiène, voilà. Mais non, il faut arrêter de se voir comme ça. Il n'y a pas que l'hygiène. Vous êtes, il y a une relation, mais très, très profonde avec les résidents. C'est forcé. C'est la personne que vous touchez le plus dans la journée. Allez, tout de suite, là, tu me bords. Il faut y rentrer pour midi, hein. Eh monsieur la rivière. Oh, ça y est, elle travaille, elle. Oh, ça y est, oh là là là. Voilà les réflexions. Je vais supporter une journée encore. C'est terrible de voir ça. Ah je suis dans le monsieur. Fabienne Combeléran. Donc c'est une formation qui est dispensée par un psychologue. Et justement, ça permet aux équipes de partager. Donc déjà, de se rendre compte qu'ils ne sont pas isolés dans ce qu'ils ont pu vivre. Et ça, c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire que c'est quelque chose de classique. Et ça leur permet des fois de trouver ensemble une alternative de réponse. Si j'ai un résident qui est en érection pendant que je suis en train de lui faire la toilette et qu'il est en érection qu'avec moi, parce que j'en ai parlé aux collègues, donc ça veut peut-être dire quelque chose. Donc il faut que j'aborde les choses concrètement avec lui, quitte à faire intervenir le cadre si c'est nécessaire. Oui, moi ça m'est déjà arrivé d'intervenir. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée voir une personne qui a tendance à frotter la poitrine des soignantes pendant les soins d'hygiène. Pas de toutes. Et je lui ai dit, écoutez, je pense que effectivement vos hormones sont en train de vous travailler. L'équipe n'ose pas vous en parler. Certains membres de l'équipe même en ont parlé. Vous les mettez en difficulté. Vous n'avez pas à faire ça. Quand vous frottez vos bras sur leur poitrine, c'est assimilable à des attouchements. Donc, moi, ça me met vraiment en délicatesse. Je vous écoute. Enfin, comment on peut trouver un terrain de conciliation? Et cette personne m'a dit, bon, je me rendais pas compte. Je lui ai dit, maintenant que vous le savez, vous allez être très vigilant. Et sur les demandes de se mettre en maillot de bain ou de petits bisous, pour le moment, ça s'est calmé. Et j'en ai parlé aux équipes. Et du coup, ils m'utilisent aussi en disant, ah, mais Mme Combéan, vous a vu. Il dit, ah oui, c'est vrai, je me rappelle très bien. Ça permet de canaliser parce qu'il faut aussi que l'équipe se sente soutenue et pas harcelée. Quand vous faites des soins de proximité, vous êtes vraiment dans la sphère intime de l'autre. Il faut aussi que les choses se passent tranquillement. Et des fois, c'est très compliqué pour les équipes, quoi. C'est très très compliqué des fois à gérer. Voilà, Madame Rousset. Hein, on est là, ils sont là. Ils sont d'accord. Ah, vous fumez une clope avant? Je vais éteindre. Vous pouvez éteindre les ventilateurs le temps qu'on vous pose des petites questions? Oui. Ok, super. Voilà. Ça fait longtemps que vous résidez ici, Noël? Ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans parce que je ne peux pas marcher. Sinon, je reverrai de chez moi, hein. Parce que c'est pas marrant ici, hein. Qu'est-ce qui vous manque ici? Oh, bah, tout. Moi, avant, j'étais active et tout, j'allais danser et tout ça, alors. Bon, maintenant, là, c'est comme ça. Mais moi, j'avais une vie amoureuse, là, quand j'étais chez moi. Bah, je sais pas, moi, je suis encore jeune, hein. Quel âge vous avez? Dans la soixantaine, alors, je suis pas bien, hein. Dans la soixantaine? Oui. Je suis pas une merde. Il y en a plein qui bougent pas ici, qui... Bon, ben... C'est pas de leur faute, hein. Moi, je les adore, je m'entends très bien avec elles. Mais bon, ben, les pauvres, elles vont pas les dire qu'elles vont avoir une vie amoureuse, quoi. Ça les dépasse, ces trucs-là. Vous aviez qui, alors? Comment ça se passait auparavant? Bah, très bien. J'avais un ami, mais il venait de temps en temps. Moi, je voulais pas quelqu'un qui vive avec moi. Et puis j'ai fait un AVC, puis voilà, Mais je suis bête parce que j'ai même pas prévenu mon ami que j'avais, je n'ai même pas dit où j'étais. Moi, je voulais pas qu'il me retrouve comme ça. Alors ici, il me manque tout. Lundi ou le mardi, je sais plus, il y avait une émission à la télévision, un reportage. Dans un EHPAD, il y avait, c'était pour la Saint-Valentin, ils avaient invité les gens du autour, quoi. Vous savez, ils font ça dans les bars. 5 minutes de rencontre, et puis après vous changez, tout ça, vous connaissez ça. C'est comme un speed dating. Voilà, exactement. Et ils avaient fait exactement pareil. Et ça vous semblerait intéressant? Ah, bah, moi, j'ai trouvé que c'était très. Mais justement, j'avais regardé, puis ça m'avait intéressé. Alors j'avais donné l'idée, quoi. J'ai dit, bah tiens, mais depuis, j'ai pas eu de réponse, rien depuis, et plus rien, quoi. J'ai pas eu de suite. Est-ce que, par exemple, je vais vous poser une question crue, hein, d'accord? Ça vous fait pas peur, je sais. Oh, bah moi, vous me connaissez. Est-ce que vous vous sentiriez avec l'envie de faire l'amour, par exemple? Ah bah oui. Oui, vous avez des envies comme ça. Ah bah oui, heureusement. Bah oui, donc c'est... Oui. Le fait d'être dans l'EHPAD, c'est compliqué par rapport à ça. Ah bah, non. Est-ce que vous avez vu un homme ici? Moi, ce que j'appelle un homme. Non, mais... Et un homme, pour vous, c'est aussi quelqu'un qui est performant sexuellement, ou ça, c'est pas un problème? Ah bah, quand même, un peu sexuellement aussi. Faut quand même quelque chose au bout, non? Moi, j'ai toujours des besoins et ça continue. C'est pas parce que je suis un peu plus âgée que je sais moi maintenant. C'est toujours la même chose. Mm-hmm. Ah bah oui. Oui, mais bon, bah, y a rien. Bon. C'est difficile à vivre? Oui, c'est un peu difficile. Des fois, oui. Des fois, la nuit, ça travaille un petit peu. Bon. Et puis, mon ancien copain, c'est un très bel homme. Hein. 1m80. Puis, ils ont dit qu'on aurait des chambres, mais j'y crois pas. Des chambres pour? Mais pour la nuit. Vous l'aviez dit, bien, ça? Oui, c'était une question. Ah, je me rappelle. Hein. Une question autour de est-ce que ça les intéresserait d'avoir des chambres d'amour? Moi, j'étais la seule à dire que ça m'intéressait. Alors, ça n'existe pas ici? Non, ça n'existe pas. C'est vrai que ça a été reçu plutôt négativement. Hein. Les gens disaient qu'en fait, non, parce que c'était trop... On nous verrait rentrer dans les chambres, tout ça. Donc, c'est pas assez intime, en fait. Ah, bah si mon copain viendrait, hein, je ne gênerais pas pour le faire dans ma chambre. Hein. Oh, voilà. Ça, je ne me gênerais pas. Hein. C'est moi qui paye le loyer, hein. Noël, est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps ou... Ah ben non, parce que j'ai grossi. J'ai beau pas manger, je grossis quand même. Là, j'ai pris 1 kilo. Mais les médecins, ils s'occupent pas de ça. Pour la grossie, qu'on maigrit pas. Parce qu'ici, on est des numéros, vous voyez. On n'est pas des personnes. Un an et demi. Je vais vous amener à la salle à manger? Oui. Ok. Il faut mettre le calpique là-bas, dans la salle de bain. Laisse la porte ouverte ou... Ah non, non, elle la ferme, elle a la clé. D'accord. Ah non, non, ici, oh, oh, oh. On ne peut pas laisser les portes ouvertes. C'est pas possible. Ah non. Noémie Pouillat, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychomotricienne, donc vous êtes sensible au corps et à l'approche du toucher, du corps, sa mise en mouvement. Mmh. Ici, c'est des personnes très très âgées, donc on a des corps bah, tout tordus, tout cabossés, tout maigres ou très gros, ou, voilà, paralysés, handicapés, etc. C'est des corps vraiment non normés, quoi. Et je pense qu'on a du mal à sexualiser ces corps-là, on a du mal à se dire qu'on peut prendre du plaisir à les toucher ou que les personnes peuvent avoir juste du plaisir à être touchées. Il y a comme une barrière, en fait, oui, mentale à envisager que ces corps-là sont des corps désirants. Alors bon, j'y pense pas forcément tout le temps quand je fais un toucher-massage à une personne, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendresse hein, dans les soins, c'est évident. Mais malgré tout, c'est des actes de soins. Et donc, il y a toute une dimension du corps qui n'est plus explorée, en fait, dans juste le plaisir, le câlin. Le câlin, par exemple, c'est... Je veux dire, on a vraiment tous besoin de câlins. Et eux, ils en ont plus, quoi. Et j'avais demandé aux personnes que j'avais rencontrées dans le cadre de mon mémoire comment ils vivaient, en fait, leur corps. Et il y avait une dimension très genrée dans cette approche. C'était intéressant parce que, finalement, les hommes étaient plus... dans des difficultés sur la productivité. Il disait, bah, moi, je suis plus désirable parce que je ne suis plus capable. Je suis plus capable, voilà, je suis dans un fauteuil roulant, je suis plus capable de me lever, je suis plus capable de faire l'amour, je suis plus capable de prendre quelqu'un dans mes bras. Il y avait quelque chose comme ça, de l'ordre de la performance un petit peu corporelle. Et les femmes, c'était beaucoup plus sur l'aspect esthétique. Les femmes se disaient que leur corps était moins beau, qu'il était moins désirable sur le plan, voilà, oui, esthétique. Alors, il y a des soignantes ici qui, par exemple, qui maquillent les vieilles dames. Et c'est super parce que ça leur permet de se retrouver belles aussi. Et tout ça, sur le plan identitaire, c'est vraiment, vraiment fondamental. Alors, vous dites, en préambule de votre mémoire, qu'on porte souvent un regard sévère sur les EHPAD, mais que finalement, c'est pas facile non plus de conjuguer les réalités budgétaires ou sanitaires et en même temps des aspirations éthiques. Effectivement, le monde de l'EHPAD, alors on n'est pas dans un milieu hospitalier, mais on est quand même dans un milieu médicalisé. Donc il y a toujours une balance à trouver, et sur le plan de la vie affective et sexuelle, c'est un peu pareil. Tout simplement, bah, voilà, se protéger, les préservatifs, comment on fait, les lits, on a des lits médicalisés, on n'a pas de lit de couple, comment on fait pour faire dormir des gens ensemble, l'intimité, on ne peut pas laisser des gens 24 heures dans une chambre fermée. C'est vrai, on doit les changer, on peut pas, on peut... voilà, on doit pouvoir rentrer dans les chambres, même si c'est, bah, c'est, tout, enfin, c'est souvent bienveillant, quoi. Je veux dire, on doit s'occuper d'eux. Mais en même temps intrusif. Et en même temps, c'est intrusif, voilà. La notion d'intimité dans les EHPAD, elle est très relative. C'est clair que si vous voulez avoir une relation sexuelle avec votre voisine de chambre, bah, faut bien choisir son horaire, quoi. Faut savoir qu'entre 18 et 22 heures, il y a personne qui va passer dans la chambre. Enfin, voilà. Je pense que les gens qui arrivent à avoir des relations sexuelles en EHPAD, ils ont des sacrées stratégies, quoi. Voilà. Quand l'équipe a connaissance d'une relation, je sais que ils vont pas rentrer dans la chambre de la même façon. C'est-à-dire qu'ils vont, des fois, on va chercher un monsieur ou on va chercher une dame, mais c'est souvent les messieurs qui se rendent au chevet des dames. Ils savent que dans certaines chambres, ils vont tambouriner à la porte, vraiment, et ils vont insister pour être sûr que monsieur est bien là, en plus de madame. Parce que sinon, on se dit, où est passé monsieur? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est perdu? Donc, mais ils vont pas rentrer. Ils vont demander, est-ce que vous allez bien tous les deux? Et la réponse va se faire. Ils vont pas rentrer. Ils vont attendre. Oui, ils vont attendre. Mais c'est vrai que l'institution, elle a des problèmes avec l'espace privé, c'est clair. Parce que quand on est sur son lieu de travail, on est un peu rapidement chez nous. C'est nous chez partout, alors que ben, les résidents, c'est quand même censément leur domicile, ils payent pour ça, avec ce qu'ils ont, mais ils payent quand même, et on est quand même censé respecter cet espace-là. Donc l'intimité aussi, qui va avec. Il y a un autre grand tabou, Laurent Garcia, c'est l'homosexualité en EHPAD. Je sais que vous avez beaucoup réfléchi à la question, je sais que vous avez rencontré au cours de votre parcours des personnes concernées, et je voulais qu'on revienne sur une rencontre marquante, c'est celle de Jeanne et Charlotte. C'est une histoire assez incroyable. C'est Charlotte qui est rentrée en premier sur l'établissement, c'est une dame qui avait 100 ans, qui était en pleine forme, hein. Qui avait toujours vécu seule avec sa maman. Et Jeanne est arrivée, 95 ans, trois maris, trois divorces, trois filles. Et elle arrivait de New York, là. Elle était prof de littérature française à New York. Et leur rencontre a été un peu immédiate. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les regards, quelque chose s'est passé. Un jour, Jeanne est venue me voir et m'a dit « Laurent, Charlotte est odieuse, elle est Front National et je suis folle amoureuse d'elle. » Et là, elle me dit « moi j'aimerais un grand lit », qu'elle n'a pas eu. Hein. Et du coup, tous les soirs, elles dormaient ensemble dans le petit lit. C'était un amour assez fou, mais par contre, très très mal vu et par la direction et par les soignantes. Alors déjà, un couple normal en EHPAD... Quand on est vieux et moche, je dis c'est difficile, mais alors, vieux, moche et lesbien, n'en parlons pas. Du coup, voilà, mais elles ont vécu cet amour sans se cacher. Et l'histoire a continué comme ça, sauf qu'à un moment, Charlotte a été hospitalisée. Et Jeanne était en pleurs tous les jours parce qu'elle ne pouvait pas avoir de nouvelles, ne faisant pas partie de la famille. Elle essayait d'appeler l'hôpital, mais on ne voulait pas lui donner de nouvelles. J'ai dû... faire quelque chose que j'aurais pas dû faire et lui donner des nouvelles de Charlotte. Mais voilà, il y a un vrai sujet à ce niveau-là. C'est deux femmes qui tombent folles amoureuses et qui finalement ne peuvent pas vivre cette relation au grand jour, quoi. Noémie Pouya, vous avez également fait des études de sociologie et un mémoire de licence qui s'intitule « Le tabou LGBT en EHPAD ». Pourquoi vous êtes intéressée plus spécifiquement à ce public ? Les lesbiennes, les gays, les bi et transgenres. Je me suis intéressée à ce public parce que c'est une problématique qui me touche personnellement dans ma vie. Voilà, je suis moi-même lesbienne, donc en fait, quand je suis rentrée à l'EHPAD de la Seigneurie, j'ai constaté qu'il y avait un peu un vide en fait, autour de ce sujet, même si ce n'était pas forcément quelque chose qui était rejeté d'emblée. En fait, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne se disent pas forcément lesbienne ou gay, ça c'est des mots que voilà, moi à 30 ans j'emploie parce que je peux le faire maintenant et que c'est moins stigmatisé, mais pour autant voilà, une personne qui maintenant a 80 ans et aurait vécu toute sa vie avec une femme ne va pas forcément se dire lesbienne. En fait, c'est un vocabulaire qu'ils vont pas forcément employer. Et donc, l'absence de mots, l'absence de possibilité d'en parler, l'absence de possibilité d'identification aussi, parce que, voilà, si on est seul, gay, dans un EHPAD de 80 personnes, bah, à qui on va en parler et quel retour on va avoir, on n'est pas sûr que ce soit bien reçu, et par les soignants, et par les résidents. Donc tout ça fait que, je pense, que les personnes LGBT s'auto-invisibilisent, c'est-à-dire elles taisent complètement toute cette part de leur vie, de leur identité. On peut parler d'autres choses, mais en tout cas, sûrement, elles ne vont pas parler de ça. Et ça, ça peut vraiment, je pense, engendrer beaucoup de mal-être et de tristesse. Parce qu'en plus, avec l'avancée en âge, ce qu'on fait beaucoup, c'est raconter sa vie, quoi. On passe beaucoup, beaucoup de temps à écouter les personnes âgées, qu'est-ce qu'elles ont vécu, qu'est-ce que machin. Et c'est super. Mais voilà, on peut imaginer du coup l'impact pour une personne lesbienne, gay, de ne pas pouvoir se raconter. Et franchement, je parle même pas de ça parce que j'ai pas trop de témoignages, mais pour les personnes trans, là, je pense que c'est 100 fois plus dur, quoi. Et quelques temps après, il y a un monsieur, un PDG d'un très grand groupe cosmétique, qui est rentré, qui avait un compagnon depuis plus de 30 ans. Donc son compagnon n'est pas rentré à l'EHPAD, mais il l'a accompagné. Donc il avait une petite suite. Et au départ, il y avait beaucoup de photos d'eux en vacances, amoureux. Et très rapidement, ce monsieur-là a enlevé les photos et les a mises dans sa commode, retournée. Et à ce moment-là, il a commencé à ne plus parler. Et son compagnon n'est plus venu. Et tout doucement, en y allant progressivement et en lui disant aussi que moi j'étais marié avec un homme et on a commencé à parler, mais alors il fallait que je tende l'oreille. Il ne voulait plus parler. J'ai fini par savoir qu'en fait, il était maltraité par les équipes. On l'appelait le PD. J'étais un jour dans les couloirs derrière deux soignantes et je les entends dire « Ah ben là, on va voir le PD ». Ça nous en fait deux, on a un couple de lesbiennes, un couple de PD maintenant, et du coup j'ai tapé sur l'épaule des soignantes et je leur ai juste dit « mais avec moi ça fera trois ». Et là, ça a calmé tout le monde. En attendant, ce monsieur a vécu les derniers mois de sa vie dans une souffrance terrible, sans pouvoir dire au revoir à son compagnon, parce qu'il ne voulait plus qu'il vienne, il avait honte, il était terrorisé. Est-ce que du coup, pour vous, la solution, ce serait, comme certains pensent, de créer des EHPAD qui accueilleraient un public justement différencié, exclusivement réservé au public homosexuel ou LGBT? Je ne suis pas contre. J'ai un peu réfléchi à cette question parce qu'effectivement, on peut se dire oui, c'est communautaire, tout ça. Je ne suis pas contre parce qu'en fait, je crois que dans la vie, on s'entoure des gens, quand on a la capacité, on s'entoure des gens qui nous ressemblent. Nos amis, c'est des gens qui nous comprennent. Si on reste en lien avec notre famille, c'est qu'elle nous accepte comme on est, des choses comme ça. Et je comprends que des personnes qui ont 70 ans se disent franchement, je n'ai pas envie de rentrer dans le placard à 70 ans. Je vais aller voir des gens qui me comprennent, avec qui je pourrais me marrer sur les soirées qu'on a fait dans le Marais dans les années 60. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Donc non, je suis pas contre. Après, je pense pas que ce soit la seule solution à proposer. Ce serait bien que notre société elle soit vraiment inclusive au point qu'une personne LGBT puisse tranquillement rentrer dans un EHPAD sans se demander si elle va se faire discriminer ou stigmatiser, quoi. Marie de Henzel, psychologue. Alors, la plupart des personnes âgées, bien sûr, la grande majorité des personnes âgées ont finalement renoncé et elles ont ce que les psychanalystes appellent sublimé, c'est-à-dire que c'est parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie, mais on sait que dans la sublimation, elle est mise ailleurs. Donc, beaucoup de personnes, assez tôt d'ailleurs, mettent cette énergie dans un désir de culture, un désir spirituel. Je veux dire, il y a des sublimations qui rendent les gens très heureux. Chez ces personnes-là, je n'ai pas rencontré du tout de frustration Donc, il faut travailler sur la représentation de la vieillesse, parce que trop souvent, dans les EHPAD, on a quand même une image négative de la vieillesse. Une image, voilà, on ne voit pas tout ce qui ne vieillit pas. Il y a cette phrase de Victor Hugo que je cite souvent, qui dit « Je ne vieillis pas ». Au contraire, il dit « Mon corps décline, ma pensée croît, dans ma vieillesse, il y a une éclosion ». Tout est dit, le corps décline. Croissance de la pensée, c'est-à-dire que la curiosité d'esprit ne vieillit pas, si on est bien, bien en soi-même. Et l'éclosion, ben l'éclosion, c'est l'éclosion affective, c'est l'éclosion de l'âme, c'est l'envie d'aimer, c'est l'envie de, voilà, de s'ouvrir à la beauté de la nature, c'est ça. Voilà. Ça ne vieillit pas. Au contraire, j'ai remarqué que les personnes âgées ont une perception beaucoup plus fine que des plus jeunes. Elles sont sous un arbre, elles voient l'arbre autrement que ne le voit le jeune qui est à côté. Et c'est parce que justement, tous ses sens sont ouverts et il a une façon de capter l'univers autour de lui beaucoup plus intense que quand il était jeune. Donc on voit bien que tout ne vieillit pas. Bonjour madame. Entrez, entrez. Je ne vais pas vous manger. Madame Pro, Madeleine. Alors là, on arrive dans la chambre de Madame Pro, Luxembourg. Oui. Vous êtes du Luxembourg? Non, j'habite pas du tout Luxembourg. Je viens du Maroc, alors je viens pas de Luxembourg. Vous pouvez me décrire un petit peu votre chambre, Madame Pro? Ma chambre, elle est garnie de tous mes souvenirs, aussi bien du Maroc que de Paris. Voilà. Et j'ai mes petits-enfants là-bas, ma fille, mon papa. Ma maman doit être quelque part par là. Quelques tableaux. Les tableaux, oui. Des CD. Ça vient du Maroc, c'est du cuivre poussé. Et puis quelques reliques, vous êtes croyante? Très. Mais je suis ouverte à toutes les religions. D'ailleurs, vous remarquerez, il y a une main de Fatma et il y a la ménara des Israélites. Et moi, je suis très, très chrétienne. Et je crois que vous êtes venue pour une raison bien particulière, connaître nos idées de l'amour dans une EHPAD. C'est ça? Exactement. Voilà. Bon, alors je peux vous dire qu'il y a automatiquement des frictions, parce qu'en plus ici, il y a des hommes. Il n'y aurait pas d'hommes, ça irait très bien. Mais dès qu'il y a des hommes, il y a certaines femmes, il faut qu'elles sautent dessus. D'autres, elles acceptent leur situation, c'est normal. Moi, je suis divorcée depuis 1974, je ne me suis pas remariée, d'abord parce que je me suis occupée beaucoup de ma fille, et puis après, le temps était passé, et maintenant, je ne dis pas que je n'ai pas des envies de temps en temps, que je n'en ai pas eu, mais si je faisais l'amour avec quelqu'un maintenant, moi, j'aurais peur que, justement, il me jugerait mal, parce qu'il se dirait, oh là là, la pauvre vieille, elle n'est pas très belle. Mais l'homme en face, il serait dans le même état que vous, a priori. Oui, mais peut-être que ça me choquerait aussi. Voilà. Montrer son corps vieillissant, c'est quelque chose de compliqué pour vous? Oui, parce qu'on est fier de son corps. Même si on est mal foutu, on est fier de son corps. Et en vieillissant, on a quand même... le corps, il s'est transformé. D'abord parce que vous avez grossi, vous avez maigri, vous avez grossi, vous avez maigri. Moi, j'ai encore de la chance, j'ai pas beaucoup de rides, et j'ai pas les cuisses pleines de rides, de flaps, de machin. J'ai la chance d'avoir des cuisses dures comme de la pierre. Alors, elles sont encore belles, elles sont grosses, mais elles sont belles. Quel âge vous avez, Madeleine? 86 ans. 86 ans et demi, comme diraient les petits. Et puis, quand une femme me dit « moi, j'ai jamais connu l'amour, je ne sais pas ce que c'est, et je m'en fous », j'ai envie de lui dire « arrête de dire des mensonges, parce que ce n'est pas vrai ». Parce qu'on a toujours envie d'avoir un compagnon, de quelqu'un qui s'occupe de vous. Moi, j'aime beaucoup le contact avec aussi bien les femmes qu'avec les hommes. Je m'entends très bien avec les hommes, et ici, je suis très copine avec tout le monde. Voilà. Mais copine. Il envisageait une relation amoureuse, ce serait possible. Si j'avais trouvé compagnon à mes chaussures, j'aurais pris. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais oui, pourquoi pas. Au contraire, ça doit être très beau, l'amour avec des personnes âgées. Ça doit être très beau parce que ça doit être, très aérien, très... Je pense que c'est pas un amour seulement physique, c'est un amour de tous les jours, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va dire, une petite caresse sur la main, ça suffit. C'est se sentir lié par quelque chose. Vous plaidez aussi en faveur d'une autre forme d'amour plus lente qui prenne en compte aussi le vieillissement et donc le désir est peut-être moins pulsionnel et il se manifeste un peu autrement avec l'âge. De toute façon, la sexualité des personnes âgées, c'est totalement l'anti-performance. On ne cherche pas à atteindre quelque chose. L'orgasme, par exemple, non. On ne cherche pas du tout. C'est le voyage qui compte, le voyage érotique. C'est pas du tout l'arrivée. J'ai été frappée, par exemple, d'un couple âgé qui me disait « on se prend dans les bras, on se regarde, et on se regarde longuement. » Et le regard, c'est quand même la rencontre de l'intimité. Donc, la sexualité, elle est du côté de la tendresse. Elle est donc plus lente, plus tendre, plus sensuelle, plus intime. Mais tout le monde me dit « c'est pas moins bien, c'est autre chose ». Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes tous les deux ? Oui. Et vous avez décidé de rentrer ensemble en EHPAD ? Vous étiez tous les deux souffrants ? Ah non, non. C'est moi qui ai commencé de rentrer. Ma femme, depuis fin janvier, et moi, depuis début février, on est aux hôpitaux. Et notre fille, elle s'est débrouillée pour qu'on vienne ici, tous les deux. Et voilà. Et on y est pour je ne sais pas combien de temps, si possible un mois ou deux ou trois, pas plus. Hein, et qu'on retourne chez nous. On a des voisins qui sont charmants, qui nous ont dit qu'on se dépêche de rentrer, qu'ils ne nous laisseraient pas, qu'ils iraient faire nos courses. Ils aideraient aux courses, oui. Sinon, on s'occupe bien de nous. Il y a des animateurs, il y a un monsieur qui est charmant. Puis hier, on est allé voir un film, vous voyez. C'est bien, quoi. La question de l'intimité, vous avez le sentiment qu'elle est prise en compte ici, qu'elle est respectée ? Oui. Oh oui, nous laisse tranquille, on fait ce qu'on veut. Elle frappe toujours avant de rentrer. Elle, il ne faut pas qu'on s'embrasse, il ne faut pas qu'on se... Non. Qu'on se câline. Oh non, ici on ne nous a jamais rien dit. On se donne... C'est simplement où on était avant, que la... mais en plaisantant elle a dit ça, mais ce n'est pas vrai. Non, ici on ne nous a jamais dit de... D'abord, on est correct, on est encouté à l'âge que l'on a. C'est pas. Non, mais franchement, non, on sait vivre quand même. Je sais qu'on est dans un hôpital, on n'est pas dans un hôtel. Mm-hmm. Alors vous donc. C'est pas non plus dans un hôpital, c'est un EHPAD. Oh, mais c'est pareil. Oui, une maison de retraite, quoi. On n'est pas chez nous, quoi. Oui, une maison de retraite. Vous vous sentez pas chez vous ? Non. Ah non. Il n'y a pas de timbre, j'ai pas d'enveloppe, j'ai pas tous mes papiers, j'ai pas ma carte bleue, j'ai pas ma carte grise, j'ai pas ma carte. Tiens, la voiture. Ça fait 6 mois qu'elle ne tourne pas, la voiture. Je sais pas si elle va démarrer. Hein. Moi, ça me manque, c'est parce que j'ai pas mes vêtements non plus d'ici. On n'a pas tous nos vêtements. J'étais habituée à beaucoup sortir, ça me prive un petit peu. Si toutefois vous avez envie de vous faire un petit câlin, comment vous faites ici ? On s'embrasse sur la joue, on s'embrasse dans le cou, on s'embrasse. On se serre la cuillère. Si des fois aussi, je me mets contre lui, là, je m'allonge à côté de lui, et puis alors, il me dit, oh là là, c'est... Il n'est pas content, il est trop petit, lui. Non, mais ils vont aller, s'il y a une fille qui rentre, on va nous voir. Là. Alors c'est moi qui dis, oh non, mince, il faut que je me lève, parce qu'ils vont se demander ce qu'on fait. Et puis, si, on est... Alors, vous avez choisi de faire lit à part. C'est volontaire ? Non. Ah non, c'était comme ça. Hein. Non, c'était comme ça. Ma fille m'avait conseillé d'aller te prendre une chambre à part. Et puis, j'ai dit, oh ben non, quand même, parce que on va se retrouver tout seul. Hein. Je dis, autant qu'on s'engueule ensemble, plutôt que deux. C'est plus facile d'être deux. Oui. Parler de sexualité chez les personnes âgées, c'est un tabou ou pas ? C'est pas un tabou, c'est qu'on ne peut pas. Hein. Moi, je veux bien, mais le bestiau, il veut pas. Mais je peux point. Enfin, je parle pour moi. Hein. Non, mais comment dirais-je... Avez, hein. Non, ça ne ça nous gêne pas du tout. On... Ça ne nous gêne pas, non. Plus. Non. Tout à un âge, de 15 à 70 ans, c'est bien. Puis de 70 à 100 ans, c'est moins bien. Il n'y a pas d'âge pour la sexualité. Hein. Il n'y a pas d'âge, il y en a des personnes âgées qui sont très... Ah oh, oui, il y a les centenaires qui bah, vont dur. Pourquoi hein. pas. Donc ça se transforme en quoi, alors? Raconte. L'amitié, on en... Oui. De l'amitié. On se rouspète l'un à l'autre, on se rouspète amoureusement. Ce que j'aime, moi, c'est, chocolat. Comment dirais-je, c'est plutôt une grande amitié. Voilà, bon, il a un sale caractère, il n'est pas toujours drôle, mais quand il a des problèmes de santé, et je me rends compte que quand je vois qu'il ne marche pas bien et tout, ça me fait de la peine, je vais vers lui. Ça, c'est parce que c'est plus que de la tendresse quand même. Je vais vers lui, mais lui, je pense qu'il ne s'en rend pas compte. À quel point ça me ferait de la peine qu'il soit gravement malade et qu'il parte. Voilà. Vous savez, s'il venait à partir, je crois que je serais perdue, en fait. Et pourtant, des fois, qu'est-ce qu'il m'emmerde hein. Comment Expressez-moi l'expression. À l'heure actuelle, j'ai jamais vu un EHPAD. J'ai vu des couples, mais j'ai jamais vu des grands lits. Alors que ça existe. Les grands lits médicalisés existent. Mais on n'en parle pas. C'est la première chose. Vous êtes un couple, vous avez toujours dormi ensemble. Pourquoi à votre entrée en EHPAD, on vous met dans deux chambres séparées, dans deux petits lits, quoi? On a eu des rapports à l'appel en ce moment, le rapport Libo, le rapport El Khomri, le Ségur de la Santé. Maintenant, c'est le Laroc de la Santé, je crois, ou un truc comme ça. J'en ai ras-le-bol de ces rapports. Est-ce qu'on parle à un moment sexualité dans ces rapports? Et non, non, non. Les gens rentrent de plus en plus âgés en EHPAD, mais plutôt en forme. Parce que, encore une fois, les boomers arrivent et les boomers, c'est autre chose que les résidents qu'on a à l'heure actuelle. Ce sont des gens qui ont eu l'habitude d'avoir une grande liberté, de finalement pas vraiment se cacher et du coup, il faut prévoir cette arrivée-là. Ces gens qui vont nous dire « Non, mais moi, à 18h30, je mange pas, quoi. » Il va falloir revoir mais toute l'organisation des EHPAD. On ne pourra pas imposer ce qu'on impose à l'heure actuelle à nos résidents, mais sans vraiment leur imposer, parce que c'est des gens qui mangeaient tôt, c'est des gens qui se couchaient tôt, c'est des gens qui n'ont pas fait réellement la fête pour la plupart. En fait, c'était une vie de famille avec le mari, les nouveaux qui vont arriver, c'est pas ça du tout. Vous êtes perçu par le personnel soignant ici? Ils vous suivent ou... Oui, ils me suivent, je pense. Oui, ils me suivent. Ils me suivent. En ce moment, ça fait 3 ans que j'essaie de me battre pour que mes soignantes soient en civil. Elles ne veulent pas. Ça, c'est clair et net. C'est... Ah, parce que vous êtes habillé en civil. Oui, parce que moi, je suis en civil et je voudrais qu'elles soient en civil pour que les résidents se sentent intégrés aussi. Parce que de voir des blouses blanches, l'EHPAD, c'est pas un hosto, c'est un lieu de vie à la base. Mais bon, c'est pas gagné. L'amour à l'EHPAD. Avec Fabienne Combeléran, Laurent Garcia, Marie de Henzel, Noémie Pouya, Gaëlle, Saran et Jennifer, ainsi que les voix de Gérard et Josette, Madeleine, Noël, Michel et Geneviève, tous résidents ou résidentes de la Seigneurie des Quatre Saisons et de Lumière d'Automne, 3 EHPAD de Seine-Saint-Denis. Prise de son, Hélène Langlois et Frédéric Quéroux. Mixage, Delphine Baudet. Un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Anne Fleury. LSD, c'est fini pour aujourd'hui et c'est en partenariat avec le quotidien La Croix. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en amoureux, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous donner votre avis, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. demain, dernier épisode, un village Alzheimer. Mais en attendant, restez à l'écoute.